et tu as peint pour moi cette année tout en rose, toi, oui, toi. Une guerre au Vietnam, un mariage en Hollande, pour bientôt un petit smet et la mort d'un poète. Caméra sur la lune, un drugstore opéra, des chemises à fleurs, un étrangleur, une bombe dans la mer, opération Tanner, Juanita Banana, un four à l'opéra, un homme et une femme au festival de Cannes, un tabarin en moins, un palladium en bus, et toujours le même président. Il y a eu tout ça, et puis malgré tout ça, quand je t'ai rencontré, il y a eu autre chose, et tu as peint pour moi cette année tout en rose, toi. Oui, toi, mon petit raton laveur. Siguiendo en esta línea, publica en el año 69 White is White, haciendo obviamente alusión al festival folk hippie de la isla de White al sur de Inglaterra. En su primera edición, el año anterior, en el 68, había reunido a artistas de la talla de Bob Dylan, John Baez, Supertramp, Leonard Cohen, entre otros, y el escocés Donovan, del que habla en la canción. Dice, es como un sol en el gris del cielo, han llegado sin equipaje y como un ciclón inesperado. Tú que quisiste encarcelarte, no tienes derecho de condenar al que quiere evadirse. Todo un alegato a favor de la filosofía hippie. Escuchamos White is White del año 69. White is white, till end is still end. White is white.